Attention, attention. Le Stone Rock Show débarque sur Stone Rock Radio. Veuillez rentrer chez vous et allumer votre web radio. Hey, salut à toi, ami du rock. Bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi, c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock et pas que. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci Tom pour le passage de relais. Vous retrouverez le Dirty Rock Party Show la semaine prochaine à 21h. Alors je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison. On va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes, mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classique rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session de John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et krautrock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également de beaux morceaux soul et reggae. Alors au programme de ce Stone Rock Show épisode 16 et dernière de cette année 2022, des épingles à nourrice, du calme et de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinicky crack, du rock fort, du classic rock et de la pill session. Si t'es prêt et bien installé, on va commencer tout de suite avec la série tendre et sentimentale. Le groupe The Only Ones et leur tube Another Girl, Another Planet, sorti en 45 tours début 1978 chez CBS et que l'on peut retrouver sur leur premier album éponyme, sorti en avril 1978. The White Cats, un groupe de punk britannique fondé par Rat Scabies de The Damned, et le titre Teenage Dream, sorti en single en avril 1978 chez Not On Label. The Mekons et Dance and Drink The Mekons, ce titre aurait été enregistré dans les studios de la BBC début 1978. Et on terminera cette série avec un titre français chanté par un Belge qui était un gros carton en France et au Royaume-Uni. John Peel adorait ce titre et le passait très souvent dans son John Peel Show. Tu veux un indice ? En fait, cette chanson a fait polémique, car ce n'est pas vraiment le chanteur qui est sur la pochette du single qui chante. T'en veux un autre ? Ce titre a été repris par The Damned, Sonic Youth et The President of the USA. Rien que ça. Bon, j'espère que tu as trouvé quand même. Mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's not dead. We'll be right back. straight and tall and shout about it. I think I'm on another world with you. With you. I'm on another planet with you. With you. You get under my skin, I don't find it irritating. You always play to win, but I won't need rehabilitating. No, no, I think I'm on another world with you. With you. I'm on another planet with you. With you. Another girl, another planet. Another girl, another planet. C'est quoi ce bordel? Yeah! Johnny Lightfoot, Calvin Lyson, Chalky Blakeman, Rolf Lindahl. Oh putain, merde! Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. De s'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Deuxième partie du Stone Rock Show avec une belle petite série qui devrait te plaire. On commence avec Alternative TV, groupe de punk rock britannique originaire de Londres, et le titre Action Time Vision, sorti en single, mais que l'on peut également retrouver sur leur premier album studio The Image Has Cracked, sorti en juin 1978 chez Deptford Sun City. On enchaînera avec le groupe Magazine et Touch and Go, sorti en single le 14 avril 1978 chez Virgin. XTC et This Is Pop, qui est le deuxième single extrait de l'album White Music, sorti en janvier 1978 chez Virgin. Et on terminera avec le Wire de la semaine, 12XU, toujours extrait de l'album Pink Flag. Time, B equals vision, and the four boys cracked in 18. type. One, two, XU! Saw you in the mag, kissing the man. Saw you in the mag, kissing the man. Saw you in the mag, kissing the man. Saw you in the mag, kissing the man, yeah! Saw you in a mag, kissing a man. Saw you in a mag, kissing a man. Smoking a fag, kissing a man. Saw you in a mag, kissing a fag, yeah! Si tu viens de nous rejoindre, tu es en train d'écouter le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock passé sur les radios british en 1978 et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque. Troisième partie de cette émission avec un nouvel extrait du magnifique album d'Elvis Costello and the Attraction, This Year's Model, sorti le 17 mars 1978 chez Radar Records. Je vais te passer le titre End in End. On enchaînera avec X Respects et I Am a Poser, toujours extrait de Germ Free Adolescent, sorti le 10 novembre 1978 chez EMI. Bebop Deluxe et le titre Surreal Estate, toujours extrait du cinquième et dernier album studio du groupe Drastic Plastic. Et on terminera cette série avec Grupo Sportivo, groupe de pop néerlandais, formé à La Haye en 1976 et qui a connu un certain succès international à la fin des années 70 et 80. Je vais te diffuser le titre I Shot the Manager, qui est extrait de l'album Ten Mistakes, sorti fin 1977 chez Ariola Records. Can't stand up, stand up. You can't show me any better. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Time away. Nadine Mouk, Nadine Babek. Hi boys and girls, just for people we're gonna sing about money. G-I-B-S-O-N. Kita's on my t-shirt. I play the blues and I think I've got the most expensive Firebird. EAB is what I play. I pick the blues at sessions. I'm losing 100 fans a day. I'm a stone musician. Don't stay white. Three. Remember, blues is black. Four. Go blind. Five. Try to see. Six. A lot of misery. I shot my manager, 'cause he used to keep my royalties. Hey, record company, wanna have a hit like Bob Marley. Remember, blues is black. Four. Go blind. Five. Try to see. Six. A lot of misery. Le Stone Rock Show. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show avec les Flaming Groovies, groupe américain de rock fondé à San Francisco en 1965, et leur reprise du groupe The Birds, I Feel a Whole Lot Better, extrait de l'album Now sorti en septembre 1978 chez Sire Records et produit par le talentueux Dave Edmunds. On va se mettre un peu de rockabilly avec Eddie Fontaine et Nothing Shaking, single sorti en août 1958 chez London Records. On enchaînera avec Graham Parker and the Rumour et I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, extrait de l'album Stick to Me sorti en octobre 1977 chez Vertigo. Et on terminera avec un petit Billy Joel, extrait de l'album The Stranger, sorti le 27 septembre 1977 chez Columbia, le morceau d'ouverture Moving Out. Bon, c'est clair, je ne suis pas un grand fan de Billy Joel, mais je vous ai épargné une grosse dope de Chris Rea, sortie à la même époque. Je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Trees. We meet the gang and go to Rockin' Joe's. The cats are stomping on their heels and toes. I grab my baby, try to give her a squeeze. Nothing shaking but the leaves on the trees. My daddy told me there'd be times like these. There's nothing shaking but the leaves on the trees. She's got a way that makes me act like a fool. She spends my money, then she plays me cruel. I'm begging for her kisses on bended knees. Give me some loving, baby, please, please, please. But I keep trying hard to make her mine. Someday the wind will blow, the sun will shine. Until that time, she puts my heart at ease. shaking but the leaves on the trees. Shaking but the leaves on the trees. She's got a way that makes me act like a fool. Oh, spends my money, then she plays me cruel. I'm begging for her kisses on bending knees. Why don't you give me some loving, baby? Please, please, please. But I keep trying hard to make her mine. Someday the wind will blow, the sun will shine. Until that time, she puts my heart at but the leaves on the trees. Why must she be such a doggone tease? There's nothing shaking but the leaves on the trees. Nothing shaking but the leaves on the trees. Le Stone Rock Show. Formidable, incroyable, fantastique. Set up. You think you got the perfect plan, the charming man you see, and play with everyone that you can. But I've got news for you, baby. I hope it don't hit you too hard. One of these days when you're at play, I'm gonna tear your playhouse down. Pretty soon I'm gonna tear your playhouse down. Room by room. You think love is just fun and games, trying to be a playgirl. Run around, run around, putting hearts all in a whirl. You've been playing my heart to every daddy around. What's gonna say when you look up one day and see your playhouse tumbling down? I'm gonna tear your playhouse down. Tear your playhouse down. Parce que le rock avant, de votre temps, c'était mieux. Non, je pas, ne me fais pas passer pour plus vieux que je ne suis, mon petit bonhomme. Oh, sack. Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Said Mr. Ketchup Tory's down on Sullivan Street, across from the medical center. And he's trading in his Chevy for a Cadillac. You wanna know by now. If he can't drive with a broken back, at least he can polish the fenders. And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Time. Is that all you get for your money? And if that's what you have in mind, yeah, if that's what you're all about, good luck moving up, 'cause I'm moving out. Voilà, le Stone Rock Show c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Et oui, la semaine prochaine, c'est vacances pour une grande partie des animateurs de Stone Rock. Et j'en fais partie. J'espère que tu t'es régalé en ma compagnie et que tu as apprécié ces morceaux diffusés sur les ondes anglaises en 1978. On va se quitter avec la Pit Session de la semaine. Le groupe Rich Kids, enregistré le 31 octobre 1977 dans les studios de la BBC, est diffusé pour la première fois dans le John Peel Show le 7 novembre 1977. Le groupe y interprète 4 titres, Young Girls, Rich Kids, Burning Sound et Bulletproof Lover. Le jeudi, c'est Manu sur Stone Rock Radio avec le Rock Alternative Show vers 20h. Tu peux retrouver le Stone Rock Show sur Mixcloud sur la page de la radio ou sur le site archive.org en tapant tout simplement le Stone Rock Show. Sinon, abonne-toi sur Facebook pour être au courant des news ou de la prog. Allez, bonne nuit à toi, amis du rock. Bonne fête de fin d'année en famille ou entre amis. Attention aux excès. Prends bien soin de toi et écoute du rock, bordel de merde. Stone Rock est gratos, tu veux quoi de plus? Allez, à l'année prochaine, merci pour ta fidélité. Bye! I'm vous appeler amis de la musique ou plus simplement amis du rock. En tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir.